Chapitre 21e, le parfum blond. Deux jours après, en effet, dans la matinée, Paulin Broquet était introduit dans le cabinet du ministre et lui remettait, pour ainsi dire en main propre, les documents que l'envoyé avait seulement portés et qu'il avait lui préservés de toute attaque. En souriant, il dit au ministre « Mac Binkerton a rempli admirablement sa mission jusqu'au port français. Il a préservé de toute tentative de nos ennemis M. Evans, le courrier de cabinet, qu'accompagnait un secrétaire, qui était moi. Je n'ai pas quitté d'une seconde, M. Evans, de sorte que Mac Binkerton, qui nous surveillait très attentivement, qui nous a gardés très habilement, n'a pas eu besoin une seule fois d'intervenir, ou n'a pas pu le faire, depuis notre départ de Londres, jusqu'à notre arrivée en terre française, où, cessant tout à coup d'être secrétaire anglais, je suis devenu le simple citoyen français qui est, monsieur le ministre, tout à votre disposition, et que voici. » Le ministre félicita une fois de plus Paulin Broquet. Il prit possession des documents que lui remit le courrier de cabinet avec M. Simonet, également très amusé de l'aventure. M. Evans demanda la permission de se retirer pour changer de linge, se mettre en tenue de ville. Le ministre le pria à déjeuner avec M. Simonet et les chefs des services que ces documents allaient concerner et Paulin Broquet. Puis, le détective ayant remercié, le ministre sortira. Comme Paulin Broquet allait sortir du ministère, il vit se profiler la silhouette d'une jeune femme très élégante devant la loge du concierge. La jeune femme, très jolie, très blonde, répandait autour d'elle un parfum tout à la fois violent et doux, attrayant et fugace. « Un parfum blond, » se dit le détective, aspirant au passage ses effluves charmeurs. « Un parfum que je reconnais et qui m'inquiète. » Paulin Broquet, dont l'oreille était aussi fine que les yeux étaient aigus et le nez sensible, entendit la jeune femme, d'une voix charmante, demander au concierge s'il lui était possible de voir ce matin M. Simonet. Très curieux de nature, Paulin Broquet fit encore un pas. Il dépassa la jeune femme et le concierge, de façon à bien laisser voir qu'il s'en allait. Puis une fois dans la rue, il eut l'air tout à coup, après deux minutes, d'avoir oublié quelque chose de très intéressant. Il fouilla dans ses poches, consulta nerveusement divers papiers, revint sur ses pas et dit en riant au concierge qui le regardait faire « Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. » »« J'ai oublié là-haut les notes que justement je devais emporter. » Le concierge se mit à rire, répondit à la plaisanterie et rentra dans sa loge. La jeune femme était passée déjà. Le concierge lui avait galamment ouvert la porte qui ferme l'escalier par lequel on accède au bureau privé du ministère. Paulin Broquet la laissa monter devant lui et quand il fut certain qu'elle était entrée dans l'antichambre des bureaux d'attachés de cabinet, à son tour il monta l'escalier, se lança sur la piste du parfum blond et se présenta sur le palier à l'étage où se trouvaient ses bureaux. Il en connaissait admirablement les détours. Sans grande difficulté, il put se faufiler dans ce fameux couloir, sombre et étroit, que nous connaissons, qui relie le bureau de M. Simonet au bureau des divers services. Il se tint là, aux écoutes, puis, glissant pour ainsi dire sur le parquet, sans le faire craquer, il arriva jusqu'à la porte de cuir capitonné qui fermait le bureau de M. Simonet. Cette porte n'avait pas de serrure. Elle revenait machinalement se poser sur une autre porte en bois plein et fermée hermétiquement, étouffant tout bruit. Il y avait deux autres portes semblables dans le cabinet de M. Simonet, celle qui communiquait avec le bureau du ministre et celle qui donnait sur l'antichambre où se tenaient les huissiers. C'est par cette porte que, froufroutante, charmante, légère et très parfumée, était depuis quelques instants entrée la jeune femme dont Paulin Broquet avait aperçu en bas l'élégante silhouette. Paulin Broquet, derrière sa porte de cuir à peine entrebâillée, ne pouvait voir la jeune femme ni Simonet. Tous les deux maintenant se trouvaient auprès du grand bureau du jeune chef de cabinet. Il parlait à voix basse et malgré son ouïe extrêmement fine, le détective n'arrivait pas à deviner le sens de leurs paroles dont le chuchotement seulement arrivait jusqu'à lui. Il devait se contenter de cela, car ouvrir un peu plus la porte, c'était courir le risque de se trahir, de se faire découvrir. Mais l'entretien de M. Simonet et de la jeune femme ne fut pas de longue durée. La sonnerie du téléphone retentit, et Paulin Broquet entendit très nettement M. Simonet dire dans le cornet acoustique « Oui, monsieur le ministre, je viens immédiatement. » Aux oreilles de Paulin Broquet arriva alors le bruit d'un fauteuil qu'on déplace, de papier qu'on repousse sur le bureau, et le froufroutement de la robe de la jeune femme. Par l'entrebâillement de la porte, qu'il poussa alors un peu plus, Paulin Broquet, glissant un œil, put alors apercevoir le jeune chef de cabinet du ministère qui reconduisait jusqu'à la porte donnant sur l'antichambre des huissiers sa charmante visiteuse. Et Paulin Broquet, non sans grand émoi, cette fois, entendit la jeune femme dire à mi-voix, presque dans l'oreille de Simonet, ces mots « Tu me le promets, n'est-ce pas? Tu me les apporteras sans faute demain. » Et Simonet répondit « C'est entendu. Au revoir, ma chérie. » Paulin Broquet entendit encore le doux bruit de longs baisers. Il vit Simonet ouvrir cette fois la porte de cuir, pousser la porte de bois plein ensuite, et changeant d'allure et de ton, s'incliner respectueusement, solennellement devant la jeune femme en lui disant « Adieu, madame, tout simplement. » La jeune femme sortit donc après avoir rendu un salut également très solennel de solliciteuse à celui qu'elle venait, de l'autre côté de la porte, d'embrasser si tendrement. Elle descendit l'escalier de pierre et se trouva devant la loge du concierge au moment où Paulin Broquet, de son côté, passait. Elle ne put apercevoir la figure de Paulin Broquet qui prit soudain d'une envie folle de se moucher, tenait son mouchoir devant son nez. Puis elle sortit, légère, jolie, très blonde, très parfumée, et monta gracieusement dans la voiture qu'il avait amenée. Paulin Broquet fit un saut dans la sienne et dit à Sidi, son fidèle chauffeur, « Mon garçon, tu sais ce que tu as à faire pour cette voiture ?»« Compris, chef, » répondit l'Algérien. Et quand la voiture qui emportait la jeune femme s'arrêta rue de l'Arcade, Paulin Broquet sauta à son tour de sa voiture pour voir entrer la jolie visiteuse dans sa maison. « Je sais qui c'est, » se dit-il. En souriant, il ajouta, « Ah ça, mais Simonet est l'amant de toutes les comtesses exotiques de Paris. La comtesse argentine Pepa d'Ortega ne lui suffit pas. Il lui faut encore maintenant cette polonaise, comtesse Varsovia. » Mais Paulin Broquet ne pouvait pas se contenter de savoir qui était la comtesse Varsovia, ni où elle demeurait. Ce qui l'intriguait beaucoup plus, c'était de savoir ce qu'elle venait faire au ministère des Affaires étrangères, comment et pourquoi elle se trouvait en aussi bon terme avec M. Simonet. Il voulait savoir aussi ce que le jeune chef de cabinet avait promis de donner à la charmante jeune femme et ce dont le baiser de la porte avait scellé la promesse. Parlant de cela dans la soirée avec ses lieutenants, il ajouta « Cette comtesse, Varsovia, est une de ces femmes toujours jolies, toujours séduisantes et incessamment amoureuses qui papillonnent dans les ministères. C'est une de ces femmes qu'on appelle les petites banquettes, que l'on voit partout dans le monde politique où il y a des renseignements à glaner, des combinaisons à faire et des trahisons à ourdir. J'ai vu celle-là dernièrement au ministère de la guerre. Quelque temps après, on nous signalait de Berlin que les plans des fortifications de Toul avaient été communiqués. Il ajouta, « Si j'ai bonne mémoire, je crois avoir aperçu aux courses, puis plus tard dans un restaurant de nuit, filant par une porte dérobée, cette comtesse Varsovia avec le jeune Renaud, qui pour trahison est maintenant sous les verrous. Je suis donc très inquiète de voir M. Simonet, non pas marcher sur les brisées de son secrétaire Renaud, mais avoir une telle familiarité avec cette femme dangereuse. » Et jetant d'un mouvement nerveux sa cigarette dans un cendrier, il conclut « C'est trop vraiment pour Simonet de deux comtesses comme celle-là. »